Écoute. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, mon enfant. Bonsoir, ici François, François. Écoute, Philippe, écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah ben oui, tu es le gars, tu es le monsieur qui était avec ma maman. Il a laissé tomber. La papy peut aller se faire voir maintenant. Parce que ma maman n'était plus. Oh, dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important, mon enfant. Faut arrêter de dire n'importe quoi, Philippe, enfant. C'est les Espagnols qui m'ont piqué ma chanson. Nous sommes les sept anges de l'Espagne. Le premier qui va. C'est pas bien, parce que. If I take my guitar, oh my darling, I know where I'm. C'est quoi le tempo? 50? Oh, I'll see you here. Thank you. Ah, j'ai trouvé le rythme de Claude François. Whoa.